Une fois de plus la mélancolie, fils d'alcoolique. Pour un peu tu galères, tu prends tes médocs colis. Entre les racles, les factures, tu mets des ratures. Des fois que tu te dis vois-tu. L'alcool qui va dans mon femme tu comment ne pas prendre de stylo. Quand on veut laisser une trace, on rêve tous de cet îlot. Mais tous idiots, on va au crash. Jamais tranquille, toujours des plaies. Parano quand sourit l'autre, on nous fait croire au paradis. Voici le remake, la série l'or. Arrêtons de se voiler la face. À ceux que tu crois qui violent la France. Perso, j'ai capté la face. Toi tu crois qu'elle veut la France. Tout le monde se cache derrière son masque. Il jette la pierre sur l'opposé. Se bat sur des raisons sommaires. Mais t'en faut tout un exposé. Un monde junior et d'inhumain qui te laisse pas digne, non. Pour l'euro, dollar, il n'a qu'une parole qui dit qu'il n'en fallait pas trop. En demander, t'es juste un corps, tu sers à fructifier nos intérêts. Jusqu'à que tu chantes plus le faire. Le stress, l'angoisse du jour, tout ça nous pousse à faire des choses qui servent à d'autres personnes que la tienne, celle qui te passe au guichet. Choisis, tu restes mouton, soit tu te laisses à guicher. Et ma tour évolution, moi j'appelle pas ça tricher. Tout le monde se cache derrière son masque, il jette la pierre sur l'opposé. Se bat sur des raisons sommaires, mais t'en faut tout un exposé. Choisis, tu restes mouton, soit tu te laisses aguicher. Et ma tour évolution, moi j'appelle pas ça tricher. Je dis tout de l'être humain, c'est tes erreurs qu'il sait du kayak. À travers la bouteille que je me sers du sky. Trop donné d'image, on ne fait que perdre la vue. C'est plus l'honnête et ni le bon sens qui peuvent se dire perdre la vue. Vu que je veux pas vous livrer un trop les livres. Le fond est dans la forme, y'a juste à lire entre les lignes. Incertain sur l'avenir, choisir la pilule que j'avale. Je ne sais que faire, alors qu'en fait je le travaille. Dans l'illusion de ce qu'est la vie, obligé d'avoir un écrin. Mon écran, j'ai plus peur du noir, moi c'est la lumière que je crains. Mais je la cherche, car dans le noir j'ai trop été. Gardeur de gloire, je n'en veux pas, je veux une minute de vérité. J'ai appris à me faire entendre, et cela sans crier. Ce que je consume et j'ai craché moi, c'est que dans le cendrier. Car faut prendre les choses à l'envers pour en comprendre le vrai sens. Du style regard total avant de payer ton plein d'essence. Le stress, l'angoisse du jour, tout ça nous pousse à faire des choses qui servent à d'autres personnes que la tienne, celle qui te passe au guichet. Choisis, tu restes mouton, soit tu te laisses à guicher. Et ma tour évolution, moi j'appelle pas ça tricher. Prendre les choses à l'envers pour en comprendre le vrai sens. Du style regard total avant de payer ton plein d'essence. Choisis, tu restes mouton, soit tu te laisses à guicher. Et ma tour évolution, moi j'appelle pas ça tricher. Pourquoi tu dis qu'on sait que ce plein, je crois que tu vis pas la même histoire à l'opposé de toi. J'kiffe pas la journée mais le soir, à force de vivre dans le superflu, je crois bien t'en oublie de réfléchir. Ça me pousse à serrer les dents, même si des fois je veux te réfléchir. Je crois que c'est votre pute, toi et tous tes petits semblables. Qu'on s'exhabe de ce qu'on obtient au prix de cent de larmes. T'écraserais même ta mère pour quelques billets de 100 balles. J'préfère vivre digne et mort de faim que de m'empiffrer 100 balles. Une société robotisée, ça changera pas ta bautisée. Et qu'il fasse pas ou vaut, tu sais très bien que tu es postiché. Dans ce monde, t'as beau tricher, mais quand on parle pas, on est pâle. Ça met pas devant que la paix se dit, je sais pas, pour on est pâle. Cherche pas réponse à la science, pourquoi son tir est tant tard. Tous les matins, tu quittes ton âme avant de te tirer à ton taf. Le soir, tu la retrouves, voilà ce qu'à la lune sert. La laisser de côté pour se prendre conduire à l'inserve. Le stress, l'angoisse du jour, tout ça nous pousse à faire des choses qui servent à d'autres personnes que la tienne. Celle qui te passe au guichet. Choisis, tu restes mouton, soit tu te laisses aguicher. Et ma tour évolution, moi j'appelle pas ça tricher. Dans ce monde, t'as beau tricher, mais quand on parle pas, on est pâle. Ça met pas de voir que la paix se dit, je sais pas pour on est pâle. Choisis, tu restes mouton, soit tu te laisses aguicher. Et ma tour évolution, moi j'appelle pas ça tricher. Sur les nerfs, c'est le max.